Jérémie chapitre 26. Au commencement du règne de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel, en disant. Ainsi a dit l'Éternel, tiens-toi debout au parvis de la maison de l'Éternel, et prononce à toutes les villes de Juda, qui viennent pour se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ai commandé de leur prononcer, n'en retranche pas une parole. Peut-être qu'ils écouteront, et qu'ils se détourneront chacun de son mauvais train, et je me repentirai du mal, que je pense de leur faire à cause de la malice de leurs actions. Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, si vous ne m'écoutez point pour marcher dans ma loi, laquelle je vous ai proposée, pour obéir aux paroles des prophètes, mes serviteurs, que je vous envoie, me levant dès le matin, et les envoyant, lesquels vous n'avez point écouté. Je mettrai cette maison en même état que Silo, et je livrerai cette ville en malédiction à toutes les nations de la terre. Or les sacrificateurs, et les prophètes, et tout le peuple, entendirent Jérémie prononçant ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et il arriva qu'aussitôt que Jérémie eut achevé de prononcer tout ce que l'Éternel lui avait commandé de prononcer à tout le peuple, les sacrificateurs, et les prophètes, et tout le peuple, le saisirent, en disant, « Tu mourras de mort. Pourquoi as-tu prophétisé au nom de l'Éternel, disant, « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera déserte, tellement que personne n'y habitera ?» Et tout le peuple s'assembla vers Jérémie, dans la maison de l'Éternel. Et les principaux de Juda ayant ouï toutes ces choses, montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les prophètes parlèrent aux principaux, et à tout le peuple, en disant, « Cet homme mérite d'être condamné à la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. » Et Jérémie parla à tous les principaux et à tout le peuple, en disant, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison, et contre cette ville, selon toutes les paroles que vous avez ouïes. Maintenant donc, amendez votre conduite et vos actions, et écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal, qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains, faites de moi comme il vous semblera bon et juste. Mais sachez comme une chose certaine, que si vous me faites mourir, vous mettrez du sang innocent sur vous, et sur cette ville, et sur ses habitants, car en vérité l'Éternel m'a envoyé vers vous, afin de prononcer toutes ces paroles, vous l'entendant. Alors les principaux, et tout le peuple, dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite pas d'être condamné à la mort, car il nous a parlé au nom de l'Éternel, notre Dieu. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent, et parlèrent à toute l'assemblée du peuple, en disant, Michémorastite a prophétisé au jour d'Ézéchia, roi de Juda, et a parlé à tout le peuple de Juda, en disant, ainsi a dit l'Éternel des armées, Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem sera réduite en monceau de pierre, et la montagne du temple en de haut lieu d'une forêt. Ézéchia, le roi de Juda, et tous ceux de Juda, le firent-ils mourir? Ne craignit-il pas l'Éternel, et ne supplia-t-il pas l'Éternel? Et l'Éternel se repentit du mal, qu'il avait prononcé contre eux. Nous faisons donc un grand mal contre nos âmes. Mais aussi, dirent les autres, il y eut un homme qui prophétisa au nom de l'Éternel, savoir, Uri, fils de Semaja, de Kirjat-Jéarim, lequel ayant prophétisé contre cette même ville, et contre ce même pays, en la même manière que Jérémie. Et le roi Jéhojakim, avec tous ses officiers et les principaux, ayant entendu ces paroles, le roi chercha à le faire mourir, mais Uri l'ayant appris, et ayant craint, s'enfuit, et se retira en Égypte. Et le roi Jéhojakim envoya des hommes en Égypte, savoir, Elnathan, fils d'Akbor, et quelques gens avec lui, qui allèrent en Égypte, et qui firent revenir Uri d'Égypte, et l'amenèrent au roi Jéhojakim, qui le frappa avec l'épée, et jeta son corps mort au sépulcre du commun peuple. Toutefois la main d'Ahikam, fils de Safan, fut pour Jérémie, afin qu'on ne le livrât point entre les mains du peuple, pour le faire mourir.